Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le travail du poète, c'est de rassembler le trésor éparpillé. Cette semaine, Jérôme Prieur. Je pense souvent qu'en s'intéressant à ce qui s'est passé il y a 70 ans ou il y a 2000 ans, on parle très profondément, très précisément de ce qui est important pour beaucoup de nos contemporains aujourd'hui. De l'image à l'écrit, une invitation, deuxième partie. Il s'occupe aussi de littérature, d'histoire, etc. Donc il y avait des horizons de recherche qui étaient pour moi inconnus au moment où on a contacté Jérôme Prieur. Lors du premier semestre de cette année, nous avons eu l'occasion de vous donner à entendre un événement. La rencontre, organisée en 2016 à l'École Polytechnique de Zurich avec l'auteur-réalisateur Jérôme Prieur. Celui-ci est donc venu une douzaine de fois présenter non seulement aux étudiants de l'École Polytechnique, mais plus largement au public, à qui également cette rencontre s'adressait, une partie de son travail, présentation réunie en une formule, du texte à l'image, sous-titre ou vice-versa. Quelques mots sur le projet de la main même de Jérôme Prieur. Aller du texte à l'image ou de l'image au texte, c'est, au-delà de l'entreprise contre nature par définition, regarder l'histoire comme fiction et mise en scène, observer à distance tout en cherchant à retrouver ce qui demeure vivant du passé à travers ces fantômes, sans jamais cesser de se demander comment lire ces signes et ces traces. Ces rencontres sont également dues à Jean-Philippe Cohen, maître assistant et responsable de la chaire littérature et culture française à l'École Polytechnique de Zurich, que nous avions interrogé à l'occasion. Alors, vous faites venir Jérôme Prieur, ça se passe, je le rappelle, le premier semestre 2016, en gros pour une douzaine de séances. Dites-nous comment l'idée vous vient, par quel concours de circonstances, est-ce que parce que vous aviez lu, sachant que le bonhomme est auteur mais également réalisateur, ou vu l'un de ses documentaires, ou peut-être les deux, qu'il est venu en vous, ça a germé l'idée de le faire venir. Racontez-nous ça. Jérôme Prieur, je connaissais ses documentaires qu'il avait réalisés pour la chaîne Arte autour de ce qu'il nommera dans la première partie de son cours « Religion de la littérature » où il reviendra avec quelques épisodes « Jésus et l'islam » par exemple qu'il projettera aux étudiants. Donc je connaissais son travail, ce travail-là de Jérôme Prieur, mais j'étais assez ignorant de tout ce qu'il avait fait par ailleurs à côté. Donc pour moi, ça a été une grande découverte de voir que ces horizons d'attente et ces recherches, ces domaines qui sont très variés, puisqu'il s'occupe aussi de littérature, d'histoire, etc. Donc il y avait des horizons d'attente, enfin les siens, ces horizons de recherche, etc., qui étaient pour moi inconnus au moment où on a contacté Jérôme Prieur. Alors, pour vous expliquer un peu comment les choix de ces professeurs, de ces hôtes sont faits dans cette chaire, il faut dire qu'il y a une commission qui se réunit, une commission de professeurs de l'École Polytechnique, qui est présidée par le professeur Andreas Kitscher. Et puis, il y a des professeurs de l'Université de Zurich. Il y a également désormais un professeur de l'Université de Lausanne qui est là, Daniel Maggetti. Et cette commission se réunit et décide sur des critères qui lui sont propres les choix des prochains hôtes de la chaire. Voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe. Jérôme Prieur est invité en 2016. Il faisait partie des premiers invités où vous aviez déjà avant Jean-Philippe Cohen, vous et vos collègues, une assez solide expérience. La chaire, sous sa forme actuelle, c'est-à-dire qui consiste à accueillir une personnalité éminente dans les domaines littéraires ou culturels, cette chaire-là existe depuis 2009. Elle accueille donc chaque semestre un hôte, il y en a deux par année, et on a commencé en 2009 avec l'écrivain et essayiste suisse Étienne Barillet. C'est lui qui avait inauguré la chaire. Ensuite, au printemps 2010, c'est Marc Auger, l'ethnologue Marc Auger et anthropologue Marc Auger, qui avait été l'hôte de la chaire. Et ça se succède comme ça depuis cette époque-là. Donc on avait un peu d'expérience lorsque Jérôme Prieur est arrivé chez nous. La logique qui fait venir ce type de personnes, ethnologues, écrivains, réalisateurs, se confrontant à de futurs ingénieurs, elle relève de quoi? Elle relève d'une volonté d'agrandir en quelque sorte le cercle de réflexion pour l'étudiant moyen, l'étudiant lambda, qui le reste du temps est beaucoup plus enclin à travailler sur de la science dure, du chiffre, du nombre, avec en plus de ça, qui plus est pour ces étudiants, je l'imagine, un planning déjà assez complet. C'est du bonus, mais ça veut dire également pour eux du temps qui est pris sur leur travail quotidien. Oui, c'est du temps qui est pris sur leur travail quotidien. C'est en marge des sciences dures, si l'on veut, mais c'est une volonté d'abord de l'école polytechnique, puisque c'est l'école qui, au départ, avait des chaires de littérature française, italienne, allemande, anglaise, et ces chaires-là occupaient une place plus importante dans la hiérarchie de l'école, mais elles ont pris une autre forme aujourd'hui. Et l'idée est toujours d'offrir aux étudiants des sciences dures une portion d'humanité dans leur cursus d'études. Histoire vivante, cette semaine, Jérôme Prieur. De l'image à l'écrit, une invitation. Deuxième partie. Ayant choisi de placer nos micros, ou plus exactement de demander à Jean-Philippe Cohen d'enregistrer ses séances pour Histoire vivante, nous allons donc repartir pour quelques jours dans ce séminaire auprès de Jérôme Prieur, présentant son travail. Et tout d'abord, un extrait du documentaire qu'il a réalisé sur le poète René Char, documentaire intitulé « René Char, nom de guerre, Alexandre ». Dans mon pays, les tendres preuves du printemps et les oiseaux mal habillés sont préférés aux buts lointains. La vérité attend l'aurore à côté d'une bougie, le verre de fenêtre est négligé, qu'importe à l'attentif. Dans mon pays, on ne questionne pas un homme ému. Il n'y a pas d'ombre maligne sur la barque chavirée. Bonjour à peine est inconnu dans mon pays. On n'emprunte que ce qui peut se rendre augmenté. Il y a des feuilles, beaucoup de feuilles sur les arbres de mon pays. Les branches sont libres de n'avoir pas de fruits. On ne croit pas à la bonne foi du vainqueur. Dans mon pays, on remercie. Sur la plage de Juan-les-Pins, un beau jour, un athlète, il a l'air d'un colosse. Un poète croise une Parisienne en vacances. Elle est brune, elle est belle. Elle s'appelle Georgette. Il l'appelle Georgette. Les années 30 s'alanguissent devant la Méditerranée. Ces gens heureux ne savent pas ce que nous savons, qu'ils sont au bord de l'abîme. Les femmes sont toutes la beauté. Toutes les femmes qu'il aimera toute sa vie. Ce n'est pas Georgette. Mais on aimerait qu'elle lui ressemble. Quelques jours plus tard, les voici fiancés. Georgette Goldstein envoie une lettre à ses parents. « J'ai décidé de vous donner un gendre. Ne soyez pas affolés. J'ose croire qu'il vous plaira, autant qu'à moi. Il s'appelle René Char, il écrit et s'occupe de livres. Je m'excuse de vous prévenir si tard, mais je déteste annoncer des choses incertaines. Je vous donne une photo. » René Char a 25 ans. Il a publié ses premiers livres dans la compagnie du mouvement surréaliste à de rarissimes exemplaires. Arsenal, Le tombeau des secrets, Artine et ralentir travaux, qu'il signe avec deux aînés prestigieux, André Breton et Paul Éluard. Il prépare le marteau 100 mètres. En janvier 1933, c'est presque un voyage de noces. Il part avec Georgette pour Berlin puis Hambourg dans un cauchemar vrai. Les croix gammées claquent déjà dans les rues. À 3 semaines de l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler, Char est venu avec Paul Éluard aider quelques amis à quitter leur pays, le pays des monstres. Jérôme Prieur, auteur, réalisateur. Bonsoir, bonsoir. Alors, je ne sais pas si vous étiez tous là hier pour revoir René Char, le film sur René Char, mais je vais y revenir. Et que vous le connaissiez ou que vous ne le connaissiez pas, que vous ne le connaissiez pas, ce serait dommage, mais ce n'est pas grave. Enfin, dans la mesure où... Ce qu'il s'agit de faire, c'est de donner envie de le lire à ceux qui ne l'ont pas lu et de donner envie de le relire à ceux qui l'ont lu. Le problème n'est pas de supposer que nous connaissons tous les mêmes choses, les mêmes auteurs, les mêmes livres. Je lis un des fragments de ce recueil qu'il a publié, que René Char a publié juste après la guerre et qui regroupe des notes. Il sous-titre lui-même son recueil Feuillets d'hypnose 1943-1944. Je voulais vous lire ce fragment numéro 97. Le livre se présente sous forme comme ça d'une près de 200 fragments qui sont quelquefois d'une ligne, quelquefois de plusieurs lignes, qui ont souvent une tournure énigmatique, comme des petites devinettes ou comme des phrases qui condensent en elles-mêmes tout un univers de sensations et de visions. Alors, je voulais vous lire, si vous avez vu le film hier, vous comprendrez encore mieux de quoi il est question, puisque même cette phrase était citée. L'avion déboule, les pilotes invisibles se délestent de leur jardin nocturne, puis pressent un feu bref sous les selles de l'appareil pour avertir que c'est fini. Il ne reste plus qu'à rassembler le trésor éparpillé, de même le poète. C'est-à-dire que là, René Char fait la comparaison entre son travail, on peut dire que c'est un travail de résistant, récupérant les largages de matériel et d'argent qui tombent du ciel, à son travail de poète. Le travail du poète, c'est de rassembler le trésor éparpillé. Ça me permet de vous expliquer comment j'ai fait ce film, comment on peut faire un film, les questions qu'on se pose quand on fait un film ou un livre, et qu'il s'agit non pas d'entasser tout ce qu'on peut trouver pour faire le portrait, par exemple, de quelqu'un, mais d'organiser des signes, de trouver ce qui va retentir, ce qui va résonner, ce qui va grésiller. Pour faire ce film sur René Char, j'ai eu la chance d'avoir accès à ses manuscrits. Ses manuscrits, ses épreuves, les épreuves, c'est-à-dire les premiers tirages imprimés d'un texte qu'on corrige ensuite. Et ce que j'ai cherché à faire avec ces épreuves, et surtout avec ces brouillons, ces manuscrits, c'est à retrouver matériellement ce qu'est l'acte d'écrire. Ce qu'est l'acte d'écrire, ce qu'on retrouve à travers la graphie des mots, à travers l'encre Et je l'ai filmé, non pas comme on filme souvent des pages de livres ou des pages de manuscrits avec ce qu'on appelle une caméra de banc-titre. C'est une caméra qui est posée sur un socle, une caméra verticale, et on fait des zooms avant, des zooms arrière. Les figures de style, les modes d'approche du texte sont très calibrés. Or là, au contraire, ce que j'ai voulu, c'est utiliser une petite caméra, comme une petite caméra amateur, comme celle que vous connaissez, pour être au plus près, à ras du texte, pour essayer d'avoir la sensation de rentrer dans les mots, de rentrer dans le papier, de rentrer dans l'encre, pour sentir ce que c'est que ce geste d'écrire dans sa sensualité. Donc j'avais ça, j'avais... Ce qui est formidable, parce que c'est rare qu'on ait autant de brouillons, autant de manuscrits, autant d'épreuves, et autant d'épreuves aussi enluminées, peintes, décorées, ornées, que celles que nous a laissées René Char. Donc ça, c'est une chance extraordinaire. Et puis, ce que j'ai rassemblé d'autres, par ailleurs, c'est les rares images qu'on a de René Char, rares images, pas seulement parce que René Char, après, vous l'avez vu, n'est pas quelqu'un qui a aimé être filmé ou photographié, c'est que l'époque ne s'y prête pas, c'est-à-dire que à ce moment-là, les photos sont rares, elles sont toujours rares jusque dans les années 60, 70, enfin, il n'y a pas la pléthore que l'on connaît d'images, donc avoir les photos de quelqu'un, c'est un objet... C'est un objet précieux, c'est un petit trésor. Donc il y a ces rares photos. Il y a un portrait peint par un de ses amis, qui est Victor Bronner. Il y a deux films tardifs que j'ai utilisés. Tardifs parce qu'il n'y en a pas eu d'autres avant. Un film d'un de ses amis photographes qui a fait un film en couleur. Enfin, les couleurs étaient très abîmées, je les ai restaurés, où l'on voit René Char déambuler dans la campagne. Et puis ce film de ce grand cinéaste suisse, Michel Souter, qui est allé filmer René Char dans, à l'Isle-sur-la-Sorgue, où il avait sa maison, mais dans lequel René Char ne fait, ça c'est une déformation moderne de dire cela, ne fait que dire certains de ses textes, dire certains de ses poèmes. Ne fait, je veux dire par là, que René Char ne se prête pas au jeu de l'entretien, au jeu des questions-réponses. Enfin, il a refusé toute sa vie de participer à toute émission de radio ou de télévision dans laquelle il aurait été question qu'il se porte au devant de son œuvre. Il aurait été celui qui en aurait détenu le sens et qui en aurait été l'homme sandwich, comme sont condamnés à l'être beaucoup d'écrivains aujourd'hui. Tu es mon amour depuis tant d'années, mon vertige devant tant d'attentes, que rien ne peut vieillir, froidir, même ce qui attendait notre mort, ou lentement su nous combattre, même ce qui nous est étranger, et mes éclipses et mes retours. Fermé comme un volet de buis, une extrême chance compacte, et notre chaîne de montagne, notre comprimante splendeur. Je dis chance, ô ma martelée. Chacun de nous peut recevoir la part de mystère de l'autre sans en répandre le secret, et la douleur qui vient d'ailleurs trouve enfin sa séparation dans la chair de notre unité, trouve enfin sa route solaire au centre de notre nuée qu'elle déchire et recommence. Je dis chance comme je le sens. Tu as élevé le sommet que devra franchir mon attente quand demain disparaîtra. Extrait de « Rencontre avec René Char » de Michel Souter. ces matériaux, ils sont très réduits. Mais en même temps, c'est pas du tout un obstacle d'avoir un matériel comme ça très réduit. C'est une chance parce qu'il faut la dilater, en montrer la richesse. Et donc, il y a ces pépites, pour filer la métaphore du trésor, il y a ces pépites. Et puis tout autour de ces pépites, ben, il n'y a rien. Et d'une certaine façon, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est-à-dire que il n'y a rien de direct. Il n'y a que des traces. Alors, j'ai déjà parlé des traces, mais là, il faut que j'y revienne en vous montrant quelle sorte de traces il y a à l'œuvre dans ce film. Des traces, il y a par exemple ces petites photos. Des déportés de Buchenwald, ces hommes complètement amaigris qui sont presque des squelettes. On connaît des images bien pires encore, si tant est que celle-là soit pas terrifiante, de déportés à la libération, à l'ouverture des camps. Mais ce qui en fait la valeur particulière de ces photos, c'est que ce ne sont pas des photos impersonnel, ce sont des photos qui étaient dans le tiroir du bureau de René Char, des petites photos, un tout petit format, enfin, et que ces photos avaient un sens particulier pour René Char, et qu'à travers ces photos, on trouve quelque chose du regard de René Char. C'est des photos qui ont appartenu à cet homme. Voilà, ce sont des reliques. Alors, il y a ces reliques. Il y a une relique beaucoup plus gaie, qui est la déclaration d'amour de Georgia, de la future Madame Char, Georgette Goldstern, qui raconte à ses parents qu'elle a rencontré un jeune homme et qu'elle va l'épouser et qu'elle va se fiancer avec lui et qu'elle ne voulait pas leur dire plus tôt car elle n'aime pas leur donner de fausses impressions, de fausses sensations. Et donc c'est une manière évidemment magnifique de mettre René Char dans le regard de quelqu'un d'autre et de nous le présenter à nous aujourd'hui. Voilà. Du texte à l'image, séminaire du réalisateur Jérôme Prieur à l'EPFZ en 2016. Et puis qu'est-ce qui reste ? Il reste pour évoquer l'époque de René Char, c'est les années 30, les années 40... Dans ce film, on pourrait continuer, mais les années 30, bah, vous connaissez tous des images des années folles, des images de la guerre d'Espagne, des images de l'arrivée des nazis au pouvoir en Allemagne. Voilà. Je me suis absolument opposé à utiliser ce type d'images qui, pour moi, ne sont que des illustrations, c'est-à-dire des images toutes faites. En littérature, il y a des clichés, et dans le cinéma, mais dans la littérature aussi, il y a des images toutes faites, des images qui sont interchangeables. On peut en mettre une, mais on pourrait en mettre tout à fait une autre. C'est des images qui bouchent les trous. Or, je voulais que les images de la première partie du film, les images d'archives, les images empruntées que j'utilise, que je récupère, et qui interviennent dans la première partie du film, et qui se trouvent être pour l'essentiel des images qui viennent de films amateurs, de films tournés par des amateurs anonymes. Heureusement, aujourd'hui, on ne les jette plus, ces images. On sait qu'elles ont une valeur. À travers ces images amateurs, ces images anonymes, je voulais projeter des métaphores, projeter des impressions. Par exemple, l'arrivée du nazisme, je l'évoque par le texte, en évoquant les croix gammées qui flottent déjà dans les rues des villes allemandes et dans les rues de Berlin, mais on n'en voit pas, on les a dans la tête, ces images, donc c'est pas la peine de les montrer. Ce que je montre à la place, c'est un ravin, c'est des gens qui montent, qui sont de dos, qui sont comme des silhouettes, comme ça, comme des ombres, et que l'on voit monter, gravir une immense pente, et on voit que à côté d'eux, il y a le vide, voilà. Je pense que ces images ont été tournées dans les Alpes ou je ne sais où, pas du tout en Allemagne, mais je pense qu'elles évoquent à la fois les années 30 et à la fois la situation terrible dans laquelle sont plongés ceux qui vivent cette époque. De même, la guerre d'Espagne est évoquée très fortement par un petit texte de René Char, où il évoque les abattoirs à venir, où il évoque la violence des charniers et des fosses communes qui vont être remplies par les républicains, par les victimes des franquistes. Je ne voulais pas montrer ces images, je voulais montrer l'impression que ces images produisent dans notre mémoire, mais aussi dans la perception qu'en ont eu les contemporains de la guerre d'Espagne et ceux qui ne voyaient pas à quoi ressemblait cette guerre, qui était lointaine et qui n'était pas retransmise en direct, évidemment, comme souvent aujourd'hui par la télévision. Donc ce sont des images mentales en réalité. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit 5 ou 6 hommes endimanchés, habillés, en chapeau, en costume, qui sont sur une barque en Méditerranée, probablement, et on sent que ces hommes sont tout près de sombrer. Enfin, donc voilà, c'est le genre d'image que j'ai voulu utiliser. Et puis ensuite, les images que j'ai utilisées, ce sont des images plus précises pour évoquer tous ces Allemands, ces anti-nazis qui ont cru trouver protection et sauvegarde en France, dans un pays libre, et qui se sont retrouvés sur la Côte d'Azur, et puis qui ensuite vont se retrouver internés comme étrangers en France. Mais pour tout le moment où ils se retrouvent en France, sur la Côte d'Azur, j'ai utilisé non pas les images qu'ils ne nous ont pas laissées, enfin peut-être qu'on en retrouvera, mais ils ne nous ont pas laissé d'images, mais j'ai utilisé les images qui auraient pu être les images qu'ils auraient pu tourner, ou les images de ces plages, de ces bords de mer qu'ils ont pu voir et qu'ils ont dû voir. Donc je suis resté toujours dans cet usage du cinéma amateur, en détournant, si vous voulez, les images que les amateurs ont pu tourner dans ces années 30, comme si ces images étaient des signes, des traces de ce que cette époque nous avait laissé sans le vouloir d'elle-même. Si vous souhaitez entendre la suite de cette séance du 27 avril 2016, au cours de laquelle le réalisateur Jérôme Prieur revenait sur les choix qui ont présidé à la fabrication de son documentaire René Char, nom de guerre Alexandre, rendez-vous sur le site d'Histoire Vivante. Demain, nous retrouverons Jérôme Prieur, enregistré en 2016 pour Histoire Vivante, au sein de l'École Polytechnique de Zurich, pour son séminaire intitulé « Du texte à l'image ou vice-versa ». Cette thématique est réalisée par Christian Morero. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Corinne Rochat, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Christian Morero. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez la première, il est 14h.